France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. L'histoire racontée par Elsa Delachère et Anna Schmuck nous a emmenés hier à la fin des années 60, il y a tout juste 50 ans, au nord de Manchester, en Angleterre, dans le quartier de Scotswood. Là, a eu lieu deux crimes, ceux de Martin et de Brian, respectivement de 4 et 3 ans. L'histoire raconte comment le procès des jeunes criminels présumés, Mary et Norma, a enflammé les foules. La presse est déchaînée, surtout contre Mary, qui sera condamnée à perpétuité. Gita Sereni, une journaliste qui assiste au procès, s'étonne de la démesure du procès de la fillette. Elle suivra pas à pas la petite meurtrière, car quelque chose lui semble inachevé. Tout de suite, la suite du documentaire sur l'affaire Mary Bell. Cette histoire-là se raconte en noir et blanc. En 1968, Mary Bell avait 11 ans lorsqu'elle fut condamnée à la prison à vie pour le meurtre de ses deux petits-enfants. Relâchée en 1980, elle avait depuis refait sa vie. Et si elle est revenue à la une de l'actualité 30 ans plus tard, c'est parce que cette journaliste britannique lui a offert 150 000 francs pour raconter sa vie. Lorsqu'une enfant comme Mary Bell commet un geste aussi monstrueux, il y a forcément des raisons profondes, dans son environnement familial notamment. Et notre livre permet de comprendre cela. L'affaire Mary Bell, au-delà du fait divers. Deuxième partie, l'enquête et l'aveu. Peu d'auteurs ont la chance incroyable d'avoir à 30 ans d'écart le même personnage qui revient alors qu'il a en plus changé. Sybille Grimbert, écrivain et éditrice. Je pense que ça la hante. Moi, j'ai toujours pensé que Sereni avait deux sujets dans la vie. C'était les enfants et les bourreaux. Donc, de toute façon, elle ne lâche absolument sur rien. Marie, c'est effectivement... Si elle n'avait pas été rattrapée, peut-être qu'elle serait devenue un serial killer. On peut l'imaginer. Heureusement, elle a été attrapée et elle devient une victime, enfin l'exemple même de la victime. La démarche de Sereni, elle est assez fascinante. Caroline Eliachef, pédopsychiatre et psychanalyste. Hein, parce qu'elle relève de l'enquête policière. Et l'enquête policière est très proche de la démarche analytique. Donc c'est assez fascinant. Alors, la séquence du meurtre est et restera mystérieuse. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Il semble qu'elle n'a pas exactement réalisé le côté irréversible de ce qu'elle faisait. Par la suite, alors le procès, on va dire, n'a rien arrangé, parce que là, elle est passée à une séquence où elle n'a carrément rien compris de ce qui se passait. Elle n'a rien compris. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a pas expliqué. Elle est dans un environnement totalement étranger. Ensuite, le refoulement fait son œuvre, normal. Elle a 10 ans, elle oublie tout ça est extrêmement pénible. Et c'est des années plus tard qu'elle a l'occasion finalement de revenir là-dessus. Mais pendant toutes ces années, il y a d'une part le refoulement, elle oublie, et d'autre part le déni, elle ne veut pas savoir. C'est-à-dire elle nie qu'elle a tué les enfants, etc. etc. Il faut dire aussi qu'elle n'a pas été aidée. C'est-à-dire personne, à aucun moment, ne lui a parlé, ni ne l'a fait parler, pour progressivement, ce qu'a fait Gita Sereni, la mettre, ne serait-ce que face à ses contradictions. D'autant qu'elle a rencontré des gens qui eux-mêmes n'y croyaient pas, c'est-à-dire qui ont alimenté ce déni. Donc franchement, il n'y a rien à lui reprocher, d'une part, et d'autre part, je pense que ce déni, c'est ce qui lui a permis de survivre. Parce qu'on voit bien que beaucoup plus tard... Dans les entretiens qu'elle a avec Gita Sereni, le sentiment de culpabilité commence à affleurer et qu'elle s'effondre. Elle s'effondre. Je pense que compte tenu de son âge, du fait qu'elle a un enfant, etc., elle va arriver à s'en remettre. Mais auparavant, elle avait tout intérêt à être dans ce déni et à ne pas s'effondrer. C'est une question de survie. Isabelle Spack, journaliste et écrivain. Plus elle vieillit, et depuis qu'elle est devenue mère, elle pense à ses enfants qu'elle a tués. elle le dit un moment, et Gita le dit pour elle. C'est-à-dire que c'est ça la force aussi de cette enfant devenue femme, c'est que si on a de l'empathie pour elle, c'est qu'elle pense aussi à ses enfants qu'elle a tués. Il me semble. Ces enfants ne sont pas évacués. Ça peut passer pour la psychanalyse. Peut-être que Maribel, ça l'a beaucoup aidé. Philippe Génada, écrivain. Peut-être le contraire. Moi, j'ai des amis qui ont lu le livre qui m'ont dit c'est odieux ce que cette femme, l'auteur, a fait à cette personne. En tout cas, non. Moi, je vois, je suis peut-être trop suspicieux. Ou c'est peut-être aussi parce que je passe ma vie à écrire. Hein. Ça peut jouer, mais moi, je vois pas ça du tout. Je vois une grande manipulation, pas forcément de manière péjorative. Hein. Je dis pas ça, quand manipuler quelque chose, quoi, pour en faire ce qu'on veut. Dans mon livre sur Pauline Dubuisson, moi j'ai vraiment forcé le trait sur ses bons côtés, la pauvre. Ça a marché. Je reçois des mails de gens qui pleurent en disant « la pauvre, j'aimerais la prendre dans mes bras ». En vérité, c'est un scoop. Je ne suis pas sûr du tout que Pauline Dubuisson était quelqu'un de vraiment fréquentable. Et pourtant, ça passe. Mon livre « La petite femelle », ça peut passer comme une sorte de document sur la vie de Pauline Dubuisson. Non. C'est un travail littéraire, c'est un objet littéraire. C'est vraiment une forme artistique. C'est-à-dire, pendant tout le livre, on se dit quand est-ce qu'on va avoir, on va savoir ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle prend bien soin d'attendre les toutes dernières pages. Ce qui n'a aucune raison, à part je ménage le suspense et enfin on va savoir, etc. C'est vraiment ce que se dirait un romancier. Et je me disais moi-même en lisant, parce que justement, quand on lit, on est trompé un peu par cette idée que c'est un rapport sur la personnalité de quelqu'un ou un rapport de psychanalyse, etc. Et en lisant, donc je m'attendais pas à ce que ce soit construit de manière aussi artistique, littéraire. Et quand je vois que tout à la fin, dans les dernières pages, elle décrit les scènes atroces de SM, etc., auxquelles sa mère faisait participer, bon, il y a quand même, c'est dérangeant, mais c'est bien que ce soit dérangeant. On n'écrit pas des, enfin, on lit pas des livres pour être dans une sorte de confort, BA, et voilà. Mais c'est dérangeant, et je me dis, si je suis Maribel, on ne sait pas du tout ce qu'elle a pensé de ça. Marie, en fait, elle le dit, elle arrivera quand même à oublier qu'elle l'a fait, à croire à ses propres bobards. Florent Georgesco, ancien éditeur et journaliste. Et donc, toute l'histoire d'une si jolie petite fille, toute l'histoire de la relation de Sérénie avec Marie, peut se résumer au fond dans le fait que Sérénie est celle qui l'amènera progressivement aux aveux. Et il faudra même, dans leur relation, dans les 8 mois qu'ont duré leur entretien pour une si jolie petite fille, donc en 94-95, il faudra arriver au bout de ces 8 mois pour que Marie avoue et dise très précisément comment elle a tué Martine, et qu'elle avoue qu'elle est celle qui a étranglé Brian, après que ensemble de petites filles lui ont fait du mal. Mais elle dira une seule fois, elle ne voudra pas répéter ça d'ailleurs, à Sérénie, que c'est elle qui a appuyé sur le coup du petit Brian. Ce qui est très, très curieux, c'est que Maribel a 11 ans, donc commet 2 crimes, et va d'abord dans une institution, prisonnière dans une institution de garçons. Cette institution va la former, scolairement, intellectuellement. Et tous les gens autour de Maribel, et y compris, ce sera une des récriminations des familles de victimes, diront, elle a eu une éducation que nos enfants n'ont jamais eue, et elle a pu grandir, elle a pu comprendre, elle a pu sentir ce qu'elle avait fait. Elle a rencontré le désespoir humain, et tout ça, je trouve que ça l'a humanisé. Et ça l'a changé. C'est pour ça que d'ailleurs elle rencontre Sérénie, parce que à ce moment-là, elle a envie de tout dire. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire, elle ne sait pas exactement, peut-être que même elle ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, ou elle ne veut plus savoir ce qu'elle a fait, mais en revanche, elle veut aller le chercher. Et puis, le plus important sans doute, c'est qu'elle a une fille. Et qu'à ce moment-là, elle est devenue mère. Je me souviens qu'elle le dit à un moment avec beaucoup de chagrin et très bouleversée, elle se met à comprendre les parents des 2 petites victimes. C'est sans doute l'expérience la plus importante. Il faut dire que Red Bank, qui est une institution donc d'éducation spécialisée, qui contient une partie sécurisée d'enfermement. C'est là que Marie a été placée à l'issue de son procès, en attendant qu'elle ait l'âge d'être mise en prison. Donc on la met à Red Bank. Red Bank est dirigé par ce monsieur Dixon. C'est un ancien militaire. Dites-vous, officier anglais, vous voyez monsieur Dixon. Là, il est en civil, donc maintenant il a toujours son costume de tweed, il a sa moustache réglementaire. C'est l'incarnation de l'officier anglais type retour des Indes. Et ce qui se passe, c'est que, au fond, dès qu'elle le voit, Marie a une sorte de coup de foudre. Et il incarne, je crois, à ce moment-là, tout ce qu'elle n'a jamais connu dans sa vie. C'est la première fois qu'elle tombe sur quelqu'un qui n'est pas un salaud. Et qui est même le contraire absolu pour elle. C'est-à-dire une figure d'autorité, gentille, et à la fois solide, ferme. Il incarne la règle, il s'intéresse à elle, il sait qu'elle a subi des choses terribles, il n'entre pas dans le détail. Et peut-être qu'en plus, il joue avec elle le jeu d'un certain déni sur ses crimes. On n'en parle jamais. Marie, c'est une vie de... Avant même les meurtres, c'est une vie totalement chaotique. Monsieur Dixon et la structure même de Red Bank contribuent à remettre de l'ordre, à structurer tout ça et à lui faire comprendre qu'une autre vie peut se dessiner. Et du jour au lendemain, le ministère de la Justice fait savoir à Monsieur Dixon que Marie doit aller en prison. Ce que Monsieur Dixon fera lui-même, ils prennent leur voiture avec Madame Dixon et ils vont amener Marie en prison. C'est une scène absolument déchirante dans le livre. Et Monsieur Dixon dira même un gros mot à cette occasion. Il dira « Merde, shit ». Quand elle arrive à la prison, c'est non seulement elle n'est qu'avec des femmes, mais elle est avec des femmes d'âge différent. Les garçons, c'était grosso modo tous des enfants à des adolescents comme elle. Donc elle est la plus jeune. Les deux premières années dans la prison, elle sera littéralement ingérable. Elle le dit elle-même, elle est contre le système, elle va toujours provoquer le système. Elle est mise plein de fois, c'est pas au mitard, mais c'est quelque chose d'équivalent. Elle souffre beaucoup et un jour, où c'est la fois de trop, quand elle ressort du quartier de sécurité, elle se dit c'est fini, je ne vais pas lutter contre le système, je vais perdre. Tout d'un coup, elle a cette maturité et maintenant je vais m'y plier et je vais essayer de sortir. Et au moment où elle se dit ça, elle devient butch, c'est-à-dire qu'elle s'habille comme un homme, elle prend des allures d'homme, elle marche comme un homme, c'est-à-dire qu'elle traîne les pieds par terre, elle va même jusqu'à prendre des boules de tissu ou de collant pour faire comme si elle avait des organes génitaux sous son pantalon, et c'est une libération ça aussi. La prison, ça va être l'école de la société. Une des gardiennes dit « Marie était la seule qui n'avait eu aucun contact avec la rue, qui n'avait eu aucun contact avec le monde. Elle a vécu sous cloche, mine de rien. » Sérénie a eu l'idée, au fond, du livre, a eu l'idée de revoir Marie, parce qu'un jour, son agent, l'agent du livre Meurtrière à 11 ans, dans une soirée à Londres, lui apprend que Betty vient de mourir et lui dit « Mais est-ce que ça vous intéresserait pas de revoir Marie ? Elle l'accepterait peut-être. » Et de fait, parce que Betty venait de mourir, il n'y avait plus cette sorte de présence qui est restée terrifiante tout le long de la vie de Marie. Parce qu'il n'y a plus cette sorte d'interdit que Betty faisait peser sur elle et sur Sérénie en particulier. Sérénie était vraiment symboliquement l'ennemi de Betty. Parce qu'en fait, Betty, pour tout dire, avait compris à travers tout ça que Sérénie comprenait, elle, que c'était Betty qui avait détruit Marie au point d'en faire un enfant meurtrier. Que Betty avait commis des choses abominables sur Marie. Sérénie ne saura à quel point c'était abominable qu'après les 8 mois d'entretien avec Marie en 95. Mais dès les années 70, elle savait que quelque chose de grave s'était passé. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle... Et Betty, elle savait qu'elle avait deviné, que Sérénie tournait autour de ces choses. Donc il y avait cet interdit, elle meurt, les choses deviennent possibles. Voilà, je pense que c'est fondamentalement quelqu'un d'honnête. Et dans son honnêteté, elle ne pouvait rien laisser passer. Et d'une certaine manière, c'est cette exigence de vérité et d'honnêteté qui lui a permis de pousser Marie-Belle dans ses retranchements. Voilà, elles ont été toutes les deux au bout de quelque chose. Gita Sérénie, vraiment, je pense, et en même temps par empathie, hein, elle n'a pas de jugement critique sur cette jeune femme. Elle n'en a pas non plus sur la mère. Elle a pu décrire les actes de la mère, mais fondamentalement, à aucun moment, elle n'a de jugement personnel et négatif sur la mère. Et ça c'est vraiment une position analytique. Alors, ce qu'elle révèle tout à fait à la fin est très étonnant parce que on voit bien que la maltraitance extrême qu'elle a subie, c'est pas seulement de la maltraitance, c'est une perversion de tous les sens. C'est ça qu'elle met le plus longtemps à mettre en rapport avec les actes qu'elle a commis. Voilà, c'est ça qui est le plus compliqué. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'était à un âge, donc c'était entre 3 et 6 ans, si mes souvenirs sont bons, où, pour les enfants, tout ce que font les parents, c'est bien. Voilà. À partir de 7 ans, on commence à critiquer. Mais avant, tout ce que font les parents, c'est bien. Et donc, sans aide, il était absolument impossible pour Marie-Belle de considérer que c'était pas bien. Cela dit, elle a quand même, elle a souffert. Elle a souffert dans sa chair, etc., etc. Mais personne ne l'a aidée à faire la part entre ce que sa mère faisait de bien. Elle faisait pas que des choses abominables, donc pour elle, hein. Parce que ce que faisait sa mère avec elle, c'est-à-dire cette manipulation sexuelle de sa fille, était quand même le lien qu'elle avait avec sa fille. Et à cet âge-là, quel que soit ce que la mère fait, c'est un lien qui s'appelle de l'amour. Et d'ailleurs, on voit que Marie-Belle, toute sa vie, est restée totalement attachée à sa mère, quoi qu'elle lui ait fait. Je creuse comme un mineur sa mine pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, on ne comprend jamais. Donc effectivement, moi, la différence aussi avec Gita, c'est que je fais partie du fait divers. C'est-à-dire que ma mère a tué mon père et s'est tuée ensuite. Moi, j'ai écrit ce premier texte 25 ans après les faits, si je puis dire. Si on appelle ça un fait divers, c'est un fait divers. En parlant de soi-même, c'est difficile de dire que c'est un fait divers, mais c'est un fait divers. C'est-à-dire que moi, j'ai une position particulière, c'est-à-dire que je suis l'enfant d'une victime et d'un bourreau, si on peut dire. Donc, je ne peux pas être complètement toujours dans l'empathie pour Marie. Bien sûr, je suis dans l'empathie pour cette petite fille, ce qu'elle a vécu, etc. Mais tout le temps, comme Gita d'ailleurs, j'ai dans mon cerveau cette petite lumière qui me dit « Mais attends, elle a quand même tué 2 petits-enfants, privé des parents de leurs petits-garçons. Ces petits-garçons, comme dit à un moment Marie-Belle, auraient 34 et 36 ans aujourd'hui, pendant qu'elle est en train d'interviewer la personne qui les a tués. » Donc moi, je ne peux pas échapper à ça. C'est-à-dire que mon père est mort du fait de ma mère. Donc j'essaye de comprendre ma mère. Enfin non, j'essaye pas de la comprendre d'ailleurs parce qu'il y a rien à comprendre. Un crime est un... mes mots sont un peu forts, mais un crime est impardonnable. Enlever la vie de quelqu'un est pour moi quelque chose d'impardonnable. Après, il y a la rédemption, les circonstances atténuantes, comme on peut dire, les essais de compréhension, mais cette limite de prendre la vie de quelqu'un, je ne pour moi, je ne peux pas, je peux pas le, l'admettre. Quoique, j'ai, même moi, vous voyez, c'est difficile pour moi. Parce que je... vous voyez, moi, quelque part, la chance que j'ai eue, c'est terrible de dire ça, j'espère que je vais choquer personne, mais c'est que ma mère a tué mon père et elle s'est tuée. Donc, fin de l'histoire. Ils sont morts tous les deux. Si ma mère avait survécu, quel regard aurais-je porté, moi, sur ma mère, qui m'avait enlevé mon père ? C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Étant la fille des deux, je ne peux pas m'empêcher de penser au revers de la médaille. Mais ça, c'est tout. C'est depuis toujours. Enfin, depuis que mes parents sont morts. C'est-à-dire que quand je vois une situation, je pense toujours à l'autre côté de la situation. C'est-à-dire que l'empathie, pour moi, est toujours compensée par oui, mais. On est chez Gita Sereny, qui a fait beaucoup de ses entretiens dans sa propre maison de Londres. Elle ferme les volets, enfin en tout cas elle tire les rideaux, elle met le moins de lumière possible dans la pièce, il n'y a aucun bruit, elle isole Marie et elle lui dit vous devez, le moment est venu pour vous. Marie a près de 40 ans à ce moment-là. Il faut bien se rendre compte qu'elle vit avec ça depuis des décennies. Jamais elle n'a formulé l'aveu complet. Et donc, on a ces deux personnages assez extraordinaires qui sont Gita Sereny, acharnée à découvrir une vérité, à vouloir faire dire à quelqu'un tout ce qu'il peut dire de cette vérité et de cette horreur dont elle est porteuse. Et de l'autre, quelqu'un qui veut jouer le jeu, mais pour qui c'est un ravage complet. Et donc, elles sont toutes les deux dans cette pièce et... C'est ça l'aveu de Marie-Belle. C'est le seul moment où elle avoue totalement, parce qu'il aura fallu toutes ces décennies, il aura fallu qu'elle reconstruise sa vie, qu'elle trouve un équilibre d'ailleurs, qu'avec beaucoup de force et beaucoup d'intelligence encore, elle arrive à vivre malgré tout, qu'elle est un enfant dont elle est folle d'ailleurs, et qu'elle ne peut pas regarder en même temps sans penser à ceux qu'elle a tués. Il faut qu'il y ait cette femme-là et l'autre en face pour que la vérité éclate, et donc c'est ce qui fait d'ailleurs de ces pages dans ce livre, des pages d'un très grand écrivain, c'est que ce dispositif-là est un dispositif narratif absolument extraordinaire et que ce qui va suivre, c'est-à-dire des pages de récits détaillés, presque hallucinés par Marie de ce qui s'est passé, notamment avec Martin Brown, de la manière dont elle l'a tué, ces pages-là sont glaçantes et en même temps sont des pages de délivrance parce que la vérité, selon... ce qu'avait en tête Gita Sereny, délivre. Et Marie-Belle se sent peut-être, en effet, à ce moment-là, délivrée. Non, je ne pensais pas que c'était un jeu. Je pensais juste, je ne te fais pas vraiment mal, je vais m'allonger par terre avec toi. Et je l'ai fait, je ne l'ai pas traîné, il n'y a pas eu de cri, pas de hurlement, tout le monde aurait entendu. J'ai dit, je ne veux pas te faire mal, pas pour de vrai. J'ai dit, on ira au paradis. Je lui ai demandé de mettre ses mains autour de mon cou et j'ai mis les miennes autour du sien et on est tombé entre les poutres. Je ne sais pas s'il est tombé sur moi ou moi sur lui. Il y avait du bazar partout, ce qu'on trouve dans les maisons abandonnées. J'avais déjà été prise à la gorge plein de fois par ma mère, par certains clients. Quand ma mère me tirait la tête en arrière et que j'avais le cou tendu, elle disait toujours « Je ne vais pas te faire mal. » Et quand je perdais connaissance et que je me réveillais, je les entendais dire « Elle ou eux, ça va aller. » Avez-vous déjà fait le lien entre ce qui vous est arrivé à vous et ce que vous avez fait à Martin ? Pas avant longtemps. Plusieurs années. Il y a quelques mois. Alors pourquoi n'avez-vous pas dit ça à Pat, par exemple, ou plus tard à moi ? Je n'ai jamais voulu le dire. Pas plus aujourd'hui. Ça fait trop... trop comme... J'attendais. Elle ne prononça pas un mot, elle n'y arrivait pas. Rien ne peut justifier ce que j'ai fait. Finit-elle par dire. Rien. Lors de sa troisième description, qui fut presque identique à la deuxième, elle cita son compagnon, Jim, lui demandant comment elle avait su s'y prendre pour étrangler quelqu'un. Elle lui avait répondu qu'elle ne savait pas vraiment. Des années auparavant, elle avait prétendument dit à Norma qu'elle l'avait vu dans un James Bond. Je savais qu'il était inconscient. Je reconnaissais cette façon de ne pas bouger, de ne pas vouloir bouger. Alors je me suis allongée près de lui et je me suis recouverte de briques, me dit-elle. Puis elle reprit son récit. Je suis restée là. Ça m'a semblé durer des heures. C'était tellement long. Je ne sais pas, j'ai dû m'endormir, mais personne ne venait. Je ne me souviens d'aucune voix. Vous rappelez-vous être revenue à vous ? Non. Non. Je me souviens seulement que je me suis retrouvée dehors. C'était peu de temps avant qu'il y ait de l'agitation. J'ai pensé, si je restais un peu plus longtemps, on me retrouverait moi et Martin, et je reprendrais vie. On m'emmènerait et tout le monde comprendrait. Mais vous saviez que vous n'étiez pas réellement morte. Saviez-vous que Martin était mort ? Pas mort. Pas vraiment mort. Seulement inconscient. Inconscient comme j'avais été moi-même inconsciente. Je ne comprenais pas le concept de la mort pour toujours. Je crois que pour moi, c'était « tu seras de retour à l'heure pour le goûter ». Un jour, elle donne rendez-vous à sa mère dans une grande surface, dans ses malls. Et Betty arrive, malade, très très très alcoolique, mais là pas saoule du tout, et il se passe une scène assez étonnante de tendresse dont il semblerait que ça ait eu lieu parce qu'il y a la petite fille qui est là, et c'est très étonnant pour le lecteur. On se met à croire que Betty aurait peut-être été une bonne grand-mère. Je dis ça en riant parce qu'il n'y a aucune raison de le croire vraiment fondamentalement. Mais là, on se dit, tiens, c'est tout ce qu'on nous raconte sur l'art d'être grand-parent. Là, il y a de la douceur, il y a de la gentillesse, il y a quelque chose qui a lieu. Et puis elle mourra très peu de temps après. Elle rentre chez elle. On est juste après le premier de l'an où... Elle s'assoit près du poêle et on retrouvera 3 jours après son cadavre, déshabillé parce qu'elle a eu chaud et brûlé sur la moitié du corps. Et en fait, elle a eu une sorte d'arrêt cardiaque. Marie va fouiller l'appartement de sa mère et en ouvrant un tiroir, elle va tomber sur une des choses les plus hallucinantes de leur rapport, qui est des tonnes de lettres que Betty a écrit en les signant Marie. Il y a une très étrange, je n'ai pas d'analyse là-dessus, mais il y a une très étrange transposition, mélange de ces deux femmes, ou plutôt de Betty avec sa fille, tout en une haine qui est presque une haine de soi, une adoration qui est évidemment très malsaine, enfin, une fusion complète, une confusion complète. Comme si elle avait adhéré au crime de sa fille tout en le rejetant. Enfin, je n'ai pas de... Une histoire particulière par Elsa Delachère, réalisée par Anna Smuk. Prise de son, Laurent Lucas, Yves Lehors et Delphine Baudet. Mixage, Stéphane Touvenin. Lecture, Garance Bonotto et Doria Zénine. Recherche INA, Gwen Michel. Des remerciements particuliers à Amélie Dor, Olivia Latouche, Elisabeth Samama et Yvonique Chedemois. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous taperons à la machine, mais pas que. Mais c'est une autre histoire.